marché la route jusqu'ici, usé des jours, usé des nuits, traversé les murs du désert, rencontré mille solitaires, creusé des trous dans ma mémoire, dormi quand même dans le noir, blanchi du cheveu et de l'âme, tiré les leçons de la flamme. Dans mon rêve, où je rêve ma vie, je vis dans mon rêve. Je rêve ma vie. Jouer des rôles d'homme enfin, mais pas appris à devenir grand. N'ai jamais eu peur de la mort, pas vraiment connu le remords. Rarement décidé des routes, ami avec le doute. Une confiance à toute épreuve, dans la promesse de vie neuve, de vie neuve. Je vis dans mon rêve. Où je rêve ma vie, je vis dans mon rêve. Où je rêve ma vie, et marcher dans des chemins d'eau, connu la lune sous ma peau, franchi les limites du rêve, et survécu de trêve en trêve, et connu les déserts de l'âme, et aussi des retours de flamme, garder l'envie d'aller plus loin, n'est négliger aucun chemin, aucun chemin. Je vis dans mon rêve, où je rêve ma vie, je vis dans mon rêve. Je suis inventé du passé, des avenirs imaginés, et rencontré ma paire d'ailes, et me suis amouraché d'elle. On a tâté de l'infini, poussant les frontières à l'oubli. On a redéfini l'amour, afin qu'il rime avec toujours. Dans mon rêve, où je rêve ma vie, je vis dans mon rêve.